ton singe, frappe ton singe. Y'a du monde sur la tour de loge. Frappe ton singe, frappe ton singe. Y'a du monde sur la tour de loge. Frappe ton singe, frappe ton singe. Y'a du monde sur la tour de loge. Frappe ton singe, frappe ton singe. Y'a du monde sur la tour de loge. À coup de trick, à coup de flic, à coup de pic, à coup de trick. À coup de truc, à coup de perruque, à coup de stuc, à coup de nuque. À coup de bloc, à coup de broc, à coup de rock, à coup de bioc. Big up à tous nos potes lillois qui organisent des combats de coq. Big up aux aficionados qui se déplacent dans les corridas. Big up à tous ceux qui enferment des lions et des ours dans des zoos. Big up aux laborantins.